Hola, estás escuchando Cada Mañana del Mundo, un viaje fonográfico por las mañanas del mundo, editado por Estefan Marín. Esta cuarta temporada está dedicada a los paisajes sonoros de Sudamérica. Je m'appelle Anne Pastor. Je m'appelle Clément Baudet. Voici Réveil sur le fleuve Maroni. Mon matin phonographique d'Amérique du Sud. Réveil sur le fleuve Maroni. Pour chaque matin du monde. Enregistré à Talouen, en Guyane française. Gracias por escucharnos. Cinco manos de harina. Grave caigren. Pero. Bueno, sin. Wanawai, wanakutatei. Eram na hei te wana me ito hupak. Wana me kutatei kula waptom kompona muhia. Je suis Sylvana Opoya. Et je suis une Amérindienne. Je suis Wayana, juste une Wayana, l'enfant de la nature. Ma population se trouve sur le fleuve Maroni. Le fleuve. Ah, j'adore me laver. Parce qu'au fleuve, nous pouvons tout faire en fait. Nous pouvons parler, manger. Sans eau, nous ne pouvons pas vivre. C'est triste de voir la nature sale. Le fleuve qui est pollué de l'orpaillage clandestin. Il ne faut pas que nous, les habitants, nous ayons des soucis avant de nous mettre dans l'eau, en fait. Par exemple, peur de perdre des cheveux, par exemple, avoir des microbes, des boutons. Il faut que cette fleuve, elle soit claire. C'est nous les premiers habitants de la Guyane. J'aimerais pas que nous disparissions. Aidez-nous. Ne nous abandonnez pas. Nous sommes quand même français après tout. Pourquoi nous oubliez-vous? Cada mañana del mundo. Un viaje fonográfico a través de las mañanas del mundo, editado por Estefan Marín. Únete al grupo de Facebook y escucha los episodios y temporadas anteriores en nuestro Bandcamp, en Each Morning of the World. Rendezvous el próximo domingo, aquí.